بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن إن شاء الله سنصوب بالتدريبات إن شاء الله تعالى. سنمشي إلى هذا برنامج سبت كوا. Un jour درس et quelques exercices et l'allemand correction. بس. Un jour درس, quelques exercices, l'allemand correction. سن اليوم سنصوب بالتدريبات فقط. تمام؟ فقط. Si besoin de approfondir, on approfondit, Inch'Allah. J'ai pas eu le temps de faire. J'ai pas eu le temps de. Qu'est-ce qu'on fait? Prends le bâton. La chose de la asa. La chose de la asa. Yaba Omar. Inch'Allah, la raka compte à ma choule. Donc on avait dit quoi comme tadribat? Awalan as'alukum an kalimat kadhalik. Alaykum al-kutub. On t'arrange sur les mots. Après on prend les exercices qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Al-kutub. Tu'alaq. Alaykum al-kitab. Tayyib. A'adda yu'iddu. أعدت ورقة préparée مذياع ما هو المذياع راديو جورب جم جوارب ما معنى جورب حذاء شو الشوز نعم طيب بس المكبلات دوجوردي الان ناخذ التدريب الرابع وعليكم السلام quatrième exercice qui était de répondre aux questions يقول من اين اشتريت القميص الذي تلبسه الان d'où as-tu acheté le camis que tu portes maintenant ma wa jawabuk في وسط المدينة. أيوة. عشان قميص ومن اللاعبين. بكم اشتريته عندك؟ كمية تبيع؟ 20 ريال. 20 ريال؟ لا. قال بكم؟ quand tu dis بكم, tu dois répondre بي. بي. بي. بي. لا. بعشرون كم عشرون؟ عشرون الواو اللي مرفوع. لا يا حرف جار دو ات مجرور ملحق بجم مذكر سالم قتل مجرور سي كومونس كوا علامه الجر تدي رايت سلمت على المسلمون تدي كوا سلمت على سي كوا اسم جار جم مذكر سالم Quand Al-Haf al-Jar il rentre dans un Jamza Karsalim, c'est quoi sa marque? Comment tu vois qu'il est majrour? Sallamtu ala al-Muslimun? Ala Sawab? Tu dis comme ça? Tu dis comment? Sallamtu ala? Tu sais pas waouh, c'est quoi? Tu sais pas waouh, c'est quoi? Si jamais tu mets pas un waouh, tu mets quoi? Waouh, c'est pour le raf. Là, il n'est pas marfou, il est majour. Donc, tu mets quoi à la place du waouh? Aya, à la muslimine. Donc, ishroun, c'est pareil. Donc, tu dis bi. Bi. Bi ishroun? Non. Bi. Neuf sachets, comme tu dis pour muslimoun, tu dis pareil là. C'est pas un waouh, c'est un. Donc, tu dis. Ishrin rialan. Aïe. Je vais te dire, tu dis ishrin rialan. طيب ثالثا هل يوجد سوق بالقرب من بيتكم سكيا سوق كده votre maison toi la phrase Évite le takrar, la répétition. Prends la légère la phrase. Tu dis la yujad. C'est comme si on te dit, est-ce qu'il y a un souk proche de la maison? Tu dis non, il n'y a pas de souk près, proche de la maison. Même en français, c'est lourd. En arabe, c'est pareil. Tu te contentes de l'essentiel, tu dis la yujad. Est-ce qu'on peut dire il n'y a pas. Est-ce qu'on pourrait prendre simplement par nam? Tu peux dire nam? Pas. Tu peux. À Amché, tu viens avec une phrase khafifa. Les répétitions, tant qu'on peut les éviter, on les évite. Mata tufaddilu al-dhahab il-souk naharan ou laylan. Quand préfères-tu aller au souk, de jour ou de nuit? Ana azab ila al-souki layli la anni li shamsi. Wa qala mata tufaddil. Il n'a pas dit mata tadhhab. Il a dit quand tu préfères. Il n'a pas dit quand est-ce que tu y vas. Parce qu'après, ils mettent en même temps l'imada. Pourquoi? Ça, c'est une autre question. J'ai voulu faire le jam des deux questions. Le problème, c'est que là, tu ne l'as pas répondu, crétin, qu'il voulait que tu emploies. Il a dit mata tufaddil al-dhahab. T'as cool? Ou faddil. Tu reprends le même verbe. Ou faddil. Salen. Billayl. Billayl. De nuit. Après, tu dis li anna. Après, tu veux que la deuxième réponse. Limaza, lienna. Lienna shamsa, mathalan, kouya fin nahar. Car le soleil est fort dans la journée. C'est ça que tu as voulu dire. Oui, non, j'ai vu lienna. L'oujoud al-shams. L'oujoud al-shams. Si tu dis l'oujoud al-shams, les gens vont dire, bah, alhamdoulilah qu'il y a shams. Donc il faut dire pourquoi. Parce que le shams. Ça donne les koui. Ah oui. Ah, ma chams, on aime qui est les chams. Taïb. Min aïna j'taraïta al-hadiyya. J'taraïta al-hadiyyata qui hada d'ukkani. Taïb, j'ai acheté dans ce d'ukkani. Il y a mieux. Il a dit, min aïna j'taraïta al-hadiyya. Min. Ah non, ta réponse elle est bonne. Juste, t'as fait une phrase encore, faqila. Là, tu utilises un damir à la place de hadiya. Le de redire hadiya, tu dis ha. Shtaraytu ha min kaza wa kaza. Arsen min, tu répètes encore hadiya, ça fait répétition. En fait, au début, je pensais que c'était mieux d'utiliser par mot pour utiliser une phrase. C'est pour ça que je fais la répétition. Là, il veut quoi ta phrase, une phrase, comme il y en a comme eux, ils font, qui soit arabiquement correcte, comme on dit. Il faut qu'elle soit légère et claire. Éviter les répétitions. Donc là, tu apprends à quoi? Tu savais à utiliser un damir. Tu vois? Shtaraytuha. Le ha vient à quoi? À hadiya. Aywa. طيب إذا أردت أن تقدم هدية لصديقك فأي هدية تختار. Si jamais tu veux offrir un cadeau à ton ami, quel cadeau tu choisirais? Ma wal jawab عندك? Sixième. Tu peux pour le futur. Ou au code des mots. Al-Kitab. Non. Tu dis ça au code d'im lahu kitaban. Kitaban. Aïwa. Ça au code d'im lahu kitaban. Mathalan. À part ta phrase, tu pourrais dire comme ça, toi. Kitaban. Kitaban, ni mansoub, ma folbi. Non, non, non, non. Kitaban. Ou tu peux dire sa'akhtar kitaban. Tu utilises le verbe ikhtar yakhtaru. Sa'akhtar kitaban. Tu veux yukaddim comme on a dit. Tu veux akhtar, tu fais l'autre. Akhtar lahu kitaban. Sabihan, mal malabisu allati talbisuha fi shita. Les vêtements que tu apportes en hiver. Qui

Maintenant, c'est le contraire. Voilà. Najid al-Souel, Anel Jawab. Awalan, Akifu Huna Moudou Sa'atein. Je suis là depuis 2 heures. Andek, Aba Omar. C'est quoi le jawab, la question? Là, je vais pas. On va faire l'improvisation. T'as pas trouvé de réponse? Non, je n'ai pas. T'as dit, Andek. Mundu kem, kem c'est taqif? Là. Toi tu poses une question dans le futur et lui tu réponds dans le passé. C'est taqif. Ça c'est mustaqbel. Sin c'est mustaqbel. C'est le futur. Tu veux dire mundu mata waqaft. Je peux dire Akif, les deux tu peux les utiliser, mais le futur je peux pas. Quelqu'un tu lui dis depuis quand tu étais là, il va dire je suis là depuis Kaza Kaza. Par contre tu peux pas le dire depuis quand tu seras là, après il va dire je suis là depuis. En plus je savais pas, j'ai mis un moment dernier, il m'a dit ça. J'étais sûr un peu, il m'a dit ouais. Ah bah il a pas eu raison. Il dit Mundouma tata Akif, cool, Akif, Huna, Mundou Sa'atay. Là, là, là, tu peux pas mettre le futur là. At-tilfazu haramun. C'est quoi là, le souhel? Wahid yakul at-tilfaz haram. C'est quoi la question? La télé, elle est haram. C'est quoi la question? La télé est haram. Est-ce que la télé... Ma question, est-ce que la télé... Ah oui, mahkoum tilfaz, ma salam. La discussion, ça n'a pas de sens. Quelle discussion? Dans le dialogue. Nous, on a dit, on sort de dialogue. Là, on veut une fois un hukm shal'i. Je me suis dit, peut-être, il est dans un... Dans là, là. Une télé, je lui ai dit, bon, je sais pas, faire regarder la télé. Après, il dit, ah, bah non, la télé, c'est pas là. Là, là, là, là, ouais. Vas-y, répète ta phrase. J'ai mis, ma la fa'alt. Parce qu'il est là depuis 2 heures, je me dis, j'espère que t'as pas regardé la télé. Ah, non. Après, maintenant, la télé, c'est pas. C'était pour essayer de faire une discussion en plein dialogue. Non, pas faux. Taïb. Wa alaykoum salam. Ufaddilu wa zahab bil hafila. Je préfère aller en car. Ufaddilu wa zahab bil hafila. Aou. Bissiyarati l'Ujra. Non. Est-ce que je préfère aller en bus ou en taxi? Ouridou nashtariya radio. Je vais acheter une radio. Là. La phrase ouah, mais là, tu as mal conjugué le verbe. Mada, là c'est Mada, Aïwa. Mada tous les deux. Aïwa. Antashtari. Antashtari. Pourquoi tu mets un domir à la fin? Là c'est un verbe moudaria. Il n'y a pas de tchèque. Antashtari. Tu dis bel antashtariya. Quand tu continues, il y a une fatha sur le ya. Parce qu'il est mon soub à cause du an qui est devant. Mada tous les deux antashtari. Pourquoi tu dis cool, ou les deux antashtariya à radio. Mizia'an. سأقدم الهدية لأخي الأصغر. Je vais donner le cadeau à mon petit frère. عندك فلان؟ لمن ستقدم الهدية؟ أحسنت. À qui tu vas donner le cadeau? سادسا. نعم وجدت الحذاء المناسب. Et c'est de l'affaire celle-là? Oui, j'ai trouvé la bonne chaussure. Facile. Une souhaite une règle qui vient avec un نعم. Voilà, là. Elle vient avec une seule forme de interrogation. C'est là, ma. Là. Na, quand tu réponds par oui ou par non, c'est qu'il y a une seule forme de question qui vient. Elle n'est pas compliquée. Est-ce que? Donc comment tu dis en arabe? Lima. Hein? Maza. Non, là. Limada. Là. Limada, c'est pourquoi. Tu ne réponds pas par oui ou par non avec un pourquoi. هل أو أ إما حمزة أ فعلت كذا وهل فعلت كذا لدو سيباري أيوة هل أقول شو ميك لمم فخز ما هو فهم التوقاتيف وجدت الحذاء نعم أيوة est-ce que tu trouves la bonne chaussure نعم trouver la bonne chaussure اشتريتها ب 50 ريالا اذا اشتريت ب 50 ريال بكم اشتريتها بكم اشتريتها اشتريت اشتريتها الا هاي يعني اكو دمير يعني كل شيء بقى هناك دمير سان دمير lui t'a dit اشتريتها ب 50 ريال le ha يعني اكو le ha tu sais dans ta question الحذاء اذا refait la question avec الحذاء بكم اشتريت الحذاء ب 50 ريال كم شي جان دوت الحذاء مذكر ومؤنث جي بلا جو سي با تمام ثم قال ساشتري السراويل والقميص من السوق جو اشتري السراويل والقميص في السوق ما هو السؤال امبروفيز من اي اتاشتريت Attention, toi tu rentres le modalier et le mardi ensemble. C'est ou modalier ou mardi. Ne mélange pas les deux là, ensemble. Là, on est au modalier. Là, il dit, ça achetari. Il te parle au moustakbel. Donc, c'est quoi la réponse? Forcément, c'est moustakbel aussi. Donc, min aina. Aina, ça ach. Là, il te dit à toi. Toi, tu réponds moi. Ça achetari. Ça achetari. Al-Sarawil. والقميص أيوة من أين ستشتري السراويل والقميص تقول سأشتري البنطلون وقول البنطلون القميص من السوق là il ne veut même pas le dormir c'est pour se dire la question mais en vrai il ne mettrait pas toute cette phrase là si tu lui disais من أين ستشتري السراويل والقميص toi tu répondrais سأشتري هما من السوق mais là il ne veut pas le dormir pour que tu saches de quoi il parle فهمتم Mais on voit dans le calem, dans le parler, il ne répéterait pas dans la réponse « Al-Kamis wa Sarawil Mjadid ». Il va faire le djem avec... Il va mettre un damir. Mais là, pour que tu saches de quoi il parle, c'est pour t'aider, c'est tout. Tayyib. Tasi'an. U'iddu haqibati qabl al-safar. Je prépare ma valise avant le voyage. Andak, Sofiane. En fait, moi, je répondais. J'ai dit « Mata tu'iddu haqibatak ». Ah, tamam. Quand prépares-tu ta valise? Prépare ma valise avant de savoir. Adhu fiha kulla ma uriduhu. J'y mets tout ce que je veux. C'est quoi la réponse? La question plutôt? Min? Là, c'est pas min. Il dit adhu fiha kulla ma uriduhu. J'y mets tout ce que je veux. Donc, c'est quoi la question? Qu'est-ce que tu mets? Bil arabia. Qu'est-ce que, comment tu dis en arabe? Tu l'as dit tout à l'heure. Maza. Aïe, ouais. Tu es avec le même verbe, sauf que tu mets qu'un. Tu mets maza. Taddaou. Taddaou, aïe, ouais. Taddaou. Fi. Fiha. Fiha. C'est wadha à la base. Il y a pas de wadha. Quand il est conjugué, vous devez aller le waouh, il est scotté. Tadarou. Non. Fiha, parce qu'à la base, on sait qu'on parle du haqiba avant. Donc, pas besoin de le répéter. Tayyib. Sadis. Istamil kul kalimatin min kalimat taliya fi jumlatin mufida. Emploie les mots suivants dans des phrases mufida. Al-Kamis, Mundu, A'adda, Radio, Yan Miza, Ista'adda, Yan Taziru, Qaddama, Hadiya, Sahlun. Tfaddal. ايش عندك ها هذه فتح حوار اقرا لازم عندك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انتظر كم من ساعه اسريا الدكان سيكون مغلقا قريبا نعم عفوا اعددت وكتبت ماذا تريد اريد اشتري لا اريد ان ايوه اريد ان اشتري اريد اشتري هذا ما يوجد لا les autres deux verbes se fait avec an et le deuxième les mansoub avec une fatha à la fin ou alors ce qui remplace la fatha تبع اريد ان اشتري قميصا سأقدمه. C'est ça que tu veux, le camis, tu veux en faire un cadeau. Là, faut que tu mettes le mot avant hadiyatan. Le mot que tu veux mettre en cadeau, tu mets avant hadiyatan. Midya'an hadiyatan. Hadiyatan, il vient pour expliquer c'est quoi que tu veux. Ce serait en cadeau. أقدم هدية أقدم مذيعا هدية لأخي يريده من زمان طيب je dirais oui ou non oui ton حوار est correct et non t'as pas respecté les conditions de l'exercice et hier j'ai bien précisé vous prenez les mots comme ils sont au même temps qu'ils sont ne changez pas le sens par exemple Adda il a pas dit Adda tu viens avec Adda Al-Qamis tu dis pas Qamis tu dis Al-Qamis Je l'ai dit, vous mettez les mots comme ils sont là dans la liste. Comme ils sont venus. Et toi, tu les as changés. tu les as rentrés dans ton moule. Et bien moi, je veux que toi, tu rentres dans leur moule à eux. C'est-à-dire que tu arrives à prendre ce mot-là et tu le places une phrase comme il est venu là. Pour voir vraiment... La kim ton ihwal est correct. L'ihwal est correct. C'est pas si makboul. مستقبل سأشد طيب شوف واش في بي ستريكت تفضل القميص والملابس المسلمين القميص هو الملابس لا اسك ملابس ان جمع القميص سان مفرد تودي القميص من ملابس من ملابس او من او القميص لبس المسلمين ما هو الملابس parce que tu as un هو devant après tu as le ملابس qui est jam et هو c'est un مفرد c'est من من ملابس المسلمين تمام dernier j'ai pris deux mots تفضل j'ai même dans une phrase entière tout amché comment on dit تنت زيرو منذ ساعتين تين او ساعتين واحده tu veux dire Al-Afilat. Aïd. On commence, on redit la phrase. Tantaziru. Ayo, Anta, ayo. Munzu, Sa'atin. Al-Afilat. Al-Afilat. Karata. Tantaziru, Tayyib. Tu attends le bus depuis 2 heures. Depuis 1 heure, en fait. C'est bon? Non. Ouridou. Un achetari. Non, mais je l'ai écrit. Tamam. Un achetari. Adia. Ah, pas respecté. J'ai mis li kaddam. Li? Li kaddam. Qu'est-ce que li kaddam? Pour donner. Là, tu peux pas, là. Li rentre pas dans... Tu peux pas rentrer, là. Là, dans le verbe... Mardi, tu peux pas. C'est le verbe mardi, tu peux pas. Un mot d'aller, tu peux. Un mardi, tu peux pas. Donc, je pense que ça va être là. Le reste, je peux pas arriver. Recommence ta phrase. Uridu ashtari. Uridu an ashtari. Uridu an ashtari. Ashtari. Adiya. Adiyatan. Adiyatan. Li uqaddimuha. On va te la donner comme on a fait. On était souple avec Sofiane. Ce serait pas d'adl quand on dit li uqaddimuha. Li uqaddimuha li en fait le verbe c'est li kudda là tu peux pas dire comme ça le verbe c'est qaddama tamam ça c'est au mardi au mudali avec ana tu vas dire uqaddimu et avant ça tu rentres le li qui veut dire pour donc tu vas dire li uqaddimu fakat li uqaddimu li uqaddimu ها ها نعم ايوه الهديه له هي غير هديه ليقدمها ايوه اختي يقدمها لاختي تمام après ça achète quand tu mets le ta ce ta là c'est ta fa'il il vient que au madi il vient pas au mudari illa ça achète نعم مزياعا نعم أقدمها أو قدموها أقدموها هدية ما تعرفين les mêmes mots non qui قدموها tu l'as mis tout à l'heure et هدية tu l'as mis tout à l'heure non ça c'est j'ai mis en plus mais c'est pas moi je cherchais la radio ah طيب ثم et après j'avais rajouté li waladin li waladi li waladi comment pour mon fils a ada kulli akibati li safari aïd j'ai pas compris Omar a'adda aïwa kulla Hakibati Lissafari Omar Adda Kulle Hakibati Lissafari Naam Je pense qu'on peut dire Kulle ma fi Hakibati Lissafari La baisse Aïwa Par contre j'avais préparé Istaada Istaada Il n'y a pas Azaï Istaada Istaada se préparer quoi. Non, c'est quoi pareil? Istaada, je me prépare? Non. Sortez tout sur Istaadatu. Istaadatu? Là, on veut Istaada, on ne veut pas Istaada. Istaada? Dis Omar, Istaada Omar. Istaada Omar. Allez voir. Issafar. Issafar. Fakat. Omar, c'est pareil pour Issafar. Par contre, Sahal? Sahal, ailleurs. T'as pas trouvé? Sahel, c'est Saloun, c'est... Sahel, c'est facile. J'ai pas trouvé, même dans la traduction. Sahel, ça veut dire facile. J'ai pas trouvé. Sahel, t'as pas trouvé? Non, ça va. Sahel, c'est facile. Tu l'as pas fait. Tu dis, Hada Sahloun, khas. Ça, c'est facile. Hada, c'est un Saloun? Hein? Ça, qu'est-ce que ça veut? J'ai pas compris. Ça veut dire facile, Sahel. Sahel, hein? C'est le axe de Saab. Moi, j'étais Saloun, pour moi, c'était Saloun. Là, là. Sahel, ça veut dire facile. Hada, c'est facile. Ça. Hada, ça. Manda Yusr. Moi, j'ai mis ça. Aïe, va. Taïb, Afwan, Ta'akhaftou, et Annani, Mastaretou, Moubakkaran. Mais Sahel, Aïe, là. On est tranquille. Ouais, c'est pas grave. Ça coule avec Sahel, Taïb. Kazadik. Taïb, ou l'akhir, Assabia. Là, c'est mettre les mots dans les trous. Andana, Ukhti, A'adatou. سراويل منذ ساعة. منذ شهرين. شهرين. شهرين وأنا. وأنا أفكر. أفكر ماذا أشتري لأسرتي. وأصدقائي. نعم. Traduis la phrase. Depuis un mois. Et وأن. أفكر. Je pense. Je réfléchis. Pour acheter. Maza, qu'est-ce que je vais acheter? L'usrati. Usra, c'est quoi usra? El zoja ou el awled. Pour la famille. La famille. Qu'est-ce que je vais acheter pour la famille et mes amis. Ahsant. التي بعدها يا صفيان. وقبل السفر إلى بلادي بأسبوع أعددت كل ما أريد شراءه في ورقتين. ترجم. Une semaine avant le voyage vers mon pays, j'ai préparé tout ce que je voulais acheter dans un papier. Sur une feuille. Suma, zahabtu ila souki wa ishtirai. Wesh, quand il y a un waw et après un hamzat wasl, tu fais une liaison avec la lettre derrière. Wesh tarayto. Wesh tarayto. Iza. إذا أن نعم لي أختي و سعد لصديقي و سراول لوالدي والدي ترجم. Ensuite je suis parti je suis parti au souk et j'ai acheté des chaussures pour ma soeur, un sarwal pour mes amis. Mon ami. Et non, tu avais dit une montre pour mon ami. Une montre pour mes amis et un sarwal pour mon père. Arsank. Ça va, vous l'avez dit avant l'yom. أنا كل بهذا إن شاء الله وكل يوم سنمشي على هذا ترتيب. Un jour درس avec quelques تدريبات et lendemain correction. تمام؟ طيب تستعدون للدرس غد pour le cours demain إن شاء الله. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.